Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures ? Bon réveil à vous tous et à vous toutes qui nous avez écoutés et merci d'avoir choisi France Culture et un autre jour est possible pour commencer cette journée du 25 février, nous sommes le jeudi. Dans un instant, on retrouve notre tête chercheuse de la semaine, Pauline Rossi, qui depuis lundi nous parle des Paris, du Grand Paris, en retraçant l'histoire justement des projets du Grand Paris, comment on les a imaginés à la fin du 19e au début du 20e siècle. Hier, c'était les années 60-70 et aujourd'hui, on va parler de l'Est parisien et de son développement. En deuxième partie, rock et littérature, je recevrai Bruno Baillon qui sort aux éditions Pauvert, Roulette russe, journal d'un jeune homme perdu. Mais tout d'abord, sur France Culture, notre tête chercheuse est déjà là, Pauline Rossi. Bonjour. Bonjour. Tête chercheuse, les Paris du Grand Paris, épisode 4. L'Est parisien du Grand Paris, pourquoi c'est un laboratoire pour vous, Pauline Rossi, pour parler et pour imaginer d'ailleurs aujourd'hui les enjeux du Grand Paris tel qu'on se le projette pour les 20 ans à venir? Alors l'Est parisien dans l'histoire du Grand Paris a un statut un peu à part. Faute à un géographe du 19e siècle, Élisée Reclus, qui a établi que les villes se développe inexorablement en direction de l'ouest. Et donc l'Est parisien, dans l'extension de la capitale, a été considéré et déconsidéré, plus précisément. C'est-à-dire qu'on trouvait que, de toute manière, la capitale s'étendrait vers l'ouest et nombreux architectes, urbanistes et théoriciens ont fait le choix de l'extension vers l'est. L'Est parisien, lui, a eu quelques défenseurs qui ont prôné justement une extension dans sa direction et ont essayé d'attirer des bonnes volontés et des sources d'attractivité économique sur ces flancs orientaux qui étaient un peu déconsidérés par les grands noms des périodes, et ça depuis les années 1919. Est-ce que c'est toujours pour des raisons idéologiques, parce qu'il s'agit du Paris populaire face au Paris des nantis ? Non, en réalité, l'imaginaire du Paris populaire s'est construit un peu en parallèle, comme un effet de miroir à l'ouest parisien. Il est venu dans un second temps. Dans un premier temps, l'ouest parisien a été mis sur le devant de la scène, puisqu'il était la direction naturelle de la ville. Mais en réalité, le Paris ouvrier n'est pas entré dans cette considération. Le Paris ouvrier s'est développé parallèlement, mais a construit cet imaginaire. Alors après, effectivement, vu que les campagnes d'urbanisation successives de la capitale ont conduit à une différenciation architecturale très forte, effectivement, le Paris ouvrier a été assimilé à ce Paris un peu délaissé. Mais c'est pas parce que l'Est parisien est ouvrier qu'il a été délaissé par les décideurs et les aménageurs. À quel moment de l'histoire de Paris, l'Est parisien va devenir partie intégrante de Paris ? Je pense que l'année 1870-1871 avec la Commune de Paris a été pour l'Est parisien un moment particulier. C'est-à-dire que véritablement c'est là qu'il a pris toutes ses couleurs. On a compris dès 1869 à peu près que l'osmanisation n'avait pas eu les mêmes conséquences à l'Est et à l'Ouest. Ça c'est les travaux de Louis Lazard qui l'avaient démontré. Mais ce n'est qu'avec l'insurrection de ce Paris populaire, qu'il a pris aussi sa couleur, son imaginaire particulier lié justement à un Paris populaire ou en tout cas moins luxueux. Donc c'est vraiment autour de 1870 qu'on le voit naître, et c'était là un peu le problème de ma thèse, puisque je commençais en 1919, mais il fallait forcément se poser la question de la naissance d'un imaginaire de l'Est parisien, et celui-là, il me semble l'avoir identifié au tournant des années 1870-1880, quand la Troisième République prend acte de la Commune et avec l'amnistie des communards tire un trait définitivement sur cette histoire. Là, l'Est parisien est englobé définitivement à la Ville Lumière. Non, mais quand vous dites englobé définitivement, est-ce que un siècle après la Commune, est-ce qu'il n'y a pas dans la tête des gens cette idée que l'Est parisien n'appartient pas vraiment à Paris, comme aujourd'hui les banlieues autour de Paris n'appartiennent pas vraiment à Paris, même si c'est ça justement le Paris du Grand Paris, c'est de les intégrer. Bah, c'est effectivement un autre Paris, mais en réalité, depuis les années 1980, c'est vrai presque un siècle après la Commune, l'Est parisien a dévoilé de nouveaux charmes, qui en fait sont des charmes très anciens, des charmes hérités, c'est-à-dire le microcosme d'une cour faubourienne a suscité dans les années 1980 un engouement tout à fait particulier. Pourquoi ? Parce que c'était ce Paris plus discret où on avait encore l'impression, même en 1980, place d'Alique, de parfois être dans un village reculé. Alors après, sur les banlieues de l'Est parisien, il y a encore une fois des contradictions, comme tout phénomène établi. C'est-à-dire que Suresnes a très longtemps été le grand bastion populaire de l'Ouest parisien, et il y a à l'Est la petite ville du Raincy qui, elle, est tout de même d'un niveau social, si on peut dire, un peu plus élevé. Donc ce sont des schémas de représentation qui appartiennent à notre imaginaire collectif, qui ont des parts de réalité, mais qui ont aussi des parts de mythologique presque, qu'il faut arriver de temps en temps à questionner de façon plus pointue. Et comment le monde va influer sur Paris ? Je veux dire, sur les architectes, bien sûr, puisque au fur et à mesure qu'on avance dans la modernité, il va y avoir des architectes qui, eux, nourrissent aux dernières inventions, ou même à un art, aux arts nouveaux, vont essayer d'imprimer cette ère du temps dans l'architecture parisienne. Et c'est là qu'il est très important que Paris continue à se reconstruire sur lui-même. Effectivement, il faut que la ville se réinvente, qu'elle s'adapte, et c'est là tout l'enjeu. Mais c'est aussi la grande richesse de l'Est parisien. C'est qu'en réalité, comme il n'a jamais été considéré comme sacré, en dehors de quelques poches de tissu qu'on a dit constituées dans les années 1970, c'est une entité qui fait peau neuve tout le temps, et qui a cette capacité à se régénérer parce qu'on ne lui calque pas une mémoire sacré qu'il faudrait protéger. Et ça, c'est assez vrai pour l'ensemble de l'Est parisien, Paris et banlieue comprises. On voit aujourd'hui, par exemple, à travers l'histoire du cinéma, que l'Est parisien a des richesses économiques et des richesses collectives qui sont mises à profit dans le Grand Paris de 1919, mais aussi dans le Grand Paris actuel. C'est-à-dire dans le cinéma. Dans le cinéma. La grande cité du cinéma est à l'Est. Les Buttes Chaumont ont été un haut lieu du cinéma français. Que dire de la toute proche banlieue, c'est-à-dire de Nogent-sur-Marne, qui là aussi a été un bastion du cinéma français. Donc voilà, c'est aussi un imaginaire de l'Est parisien qui peut être questionné de façon positive et qu'on a tendance à interroger de façon pas négative mais un peu défaitiste, alors qu'en réalité toutes ces défaites sont aussi des forces, toutes les faiblesses sont des forces, et c'est ça un peu la spécificité et le charme particulier de l'Est parisien pour une historienne, c'est qu'on le voit évoluer sans cesse et sans se poser des questions très, très, très négative en réalité. C'est toujours une envie de faire peau neuve. Voilà, mais sauf que ce Paris des années 1980 a évolué. Est-ce que aujourd'hui, vous direz la même chose, Pauline Rossi, de l'Est parisien? Alors que c'est vraiment le quartier en pleine gentrification en ce moment. Effectivement, aujourd'hui, on assiste à une problématique un peu nouvelle, dans le sens où on a compris les richesses des faubourgs, et maintenant on voudrait essayer de les préserver. Mais en réalité, on a eu quelques clés qui nous ont été offertes dans les années 1970, où on avait pris les traditions constructives des faubourgs et on les a érigées en réglementation urbaine, ce qui nous a permis de produire des projets tout à fait contemporains, mais qui, à côté de ça, gardent une espèce d'une coloration faubourienne. Et l'inventivité des architectes est là pour justement permettre ce renouveau. Mais il faut, encore une fois, laisser les opportunités se faire et ne pas chercher à figer les faubourgs. Si on fige les faubourgs, c'est là qu'on arrivera véritablement à les anéantir. Un faubourg est fait pour se reconstruire sur lui-même et c'est là, c'est très important. Alors l'attraction de Paris en tant que ville touristique numéro un, mais aussi le fait que aujourd'hui, plus que jamais, le concept de préserver le patrimoine est au centre des réflexions et même des décisions politiques. Est-ce que cela a poussé les architectes d'aujourd'hui à être moins inventifs qu'il y a 30 ans ou 50 ans? Alors là, il est difficile pour une historienne qui s'interroge donc sur le temps passé de répondre, en plus sur une jeune historienne, donc c'est encore plus délicat dans ma position. Dans votre histoire, Pauline Rossi, est-ce que vous avez vu la marge de manœuvre des urbanistes et des architectes rétrécir parce qu'il s'agit aussi d'une ville, d'une capitale, symbole, où les enjeux politiques sont toujours plus forts que dans n'importe quelle autre ville, je suppose, moyenne ou petite de France? Dans certains coins et recoins, surtout des faubourgs, on trouve encore une innovation architecturale intéressante. Donc une liberté. Une liberté, effectivement. Et là, ça a été un peu les enjeux de ces plans d'occupation des sols de détail qui ont été mis en place dans les années 80-90 dans le faubourg Saint-Antoine, justement de permettre une liberté architecturale, de ne pas interdire des matériaux, de ne pas contraindre trop la création. Et il y a de très beaux exemples, je pense à la rue Chanzy, il y a un immeuble qui a été créé par Bernard Buller, qui est un ovni architectural dans le faubourg, qui est en béton laqué, qui a des revêtements, une seconde peau en métallique en façade, qui a des PVC colorés de couleurs primaires sur rue, qui tranche dans le paysage, mais le paysage faubourien n'est fait que de ruptures et de juxtapositions, c'est un patchwork continuel. Donc je pense que à partir du moment où on laisse encore une marge de manœuvre, et là c'est pas à moi de dire s'il en existe une ou non, en tout cas ces quartiers-là sont faits et sont nés comme ça et sont faits pour faire peau neuve indéfiniment. Et il me semble, dans le quartier que je fréquente le plus souvent, voir encore de très bons exemples d'une architecture très contemporaine, mais tout à fait faubourienne. Et pourtant, des problématiques sont apparues ces dernières années. Et la première est bien sûr l'environnement. Est-ce que cela a influé sur les projections qu'on se faisait il y a 20 ans sur le Grand Paris? Alors c'est une grande question qui est en débat en ce moment, et même auprès des plus grands spécialistes, de savoir si par exemple une isolation par l'extérieur est possible à Paris et dans les faubourgs. Alors sur un immeuble haussmannien, on se rend compte tout de suite que ça aurait quand même des conséquences assez importantes. Sur un immeuble faubourien qui se caractérise par une façade relativement lisse, ça ne pose pas énormément de problèmes. Ce qu'il faut en réalité maintenant, pour remettre encore les faubourgs dans ces questions environnementales, c'est véritablement sur l'amélioration des fenêtres et des huisseries qui là sont véritablement pour la plupart en train de tomber en déliquescence et qu'il faudrait pouvoir reprendre à très grande échelle. Mais à côté de ça, l'immeuble faubourien est fait pour les faubourgs parisiens et pour le climat parisien. Et donc ce sont des immeubles tout à fait agréables, qui sont agréables en été parce que la cour intérieure reste fraîche, parce que les murs sont relativement épais, et ils sont relativement agréables en hiver pour peu qu'on leur ait mis des chauffages électriques qui devraient remplacer les cheminées. Mais ce sont des immeubles qui, à mon avis, n'ont, d'un point de vue durabilité, on dirait aujourd'hui, n'ont pas de tare particulière. C'est juste véritablement à travers les huisseries qu'il faut attraper le problème. Demain, on parlera justement du Grand Paris tel qu'il se dessine, avec vous Pauline Rossi, et puis aussi du devenir faubourien. Merci. Merci à vous. De nous accompagner toute cette semaine. Les 4 premiers épisodes donc de la série avec Pauline Rossi, enseignante au département art de Valenciennes et co-auteur d'un livre qu'on vous recommande vivement aux éditions La Découverte, Les Le Sage, un siècle d'architecture et d'aménagement de Paris au Grand Paris, sont disponibles à la page de l'émission Un autre jour est possible en passant par franceculture.fr. À demain. À demain. Bijou, bijou, te réveille pas surtout. Je vais pas faire de bruit, juste un café, c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai, je sais pas où. Oh, oh. Bijou, bijou, le temps ça pourrit tout. Les cheveux dans le lavabo, les mégots écrasés n'importe où. Puis tu prends ton bain avec de drôles. Oh, oh, oh. Bijou, bijou, y'a des feux rouges partout. Et puis au coin de la rue, l'armée du salut qui joue. À ma montre, y'a pas de chaîne. À mes cols de chemise, pas de baleine. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Mon invité ce matin a arrêté Libération et ses papiers rock après 30 ans de contre-culture journalistique. Mais il n'a pas arrêté d'écrire pour autant. Mon invité ce matin, c'est Bayon, bonjour. Bonjour, Toufik. Et vous êtes là pour nous parler de Roulette russe, journal d'un jeune homme perdu qui vient de paraître aux éditions Pauvert. Et vous savez quoi? Ce n'est pas du tout le livre qu'on attendait. Ce n'est pas les premières confessions d'un ancien rock critique qui découvre qu'il y a une vie après Libé et que surtout qu'on peut être rock et à la retraite, non. Ce livre plein de spleen nous vient de loin, des années 80. Et c'est d'ailleurs plus des fragments qu'un journal. Oui, bien sûr. Ça n'a jamais eu la prétention d'être un journal, la vocation au journal. C'était plutôt un exercice aussi de rassembler ça, de transcrire dans un moment de vide, transcrire des notes que j'avais comme ça, et ça prend un air de ça s'apparente à du journal, mais ça n'était pas le but. Voilà. Chose vue et vécue, initiation ratée, des états d'âme d'un dandy un peu suicidaire. Qui broie du noir, c'est un écrit d'époque, d'ailleurs qui se fout royalement de l'époque. Hein. On ne retrouve pas nos repères sociopolitiques ou socioculturels des années 80. Comme si déjà, Bayon, vous viviez hors d'époque. Oui, totalement. C'est le seul salut de ce manuscrit dans sa ressortie. Je l'ai découvert moi-même, d'ailleurs, quasiment une fois publié. C'est qu'il est sauvé par son vide, paradoxalement. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qui est dit, qui est très peu de choses d'ailleurs, qui résonne, j'ose pas dire qui fait sens, c'est ce qui n'est pas dit, c'est les interlignes, c'est une sorte de creux, de comme en musique, on parle des harmoniques, il y a peut-être quelque chose de ça, c'est-à-dire ce qui est entre les cordes et qui joue en mineur, enfin. Et puis il y a aussi dans ce livre tout ce que vous n'avez pas dit quand vous étiez journaliste à Libé, c'est-à-dire votre relation à Bachung, d'ailleurs, plus à Bachung. Bachung est très présent, d'ailleurs. Ça ne s'appelle pas roulette russe pour rien. Ben Bachung, tel qu'on l'entendait tout à l'heure faire bijou, il avait avec le recul, je vois qu'il avait une qualité très particulière. C'était qu'il était, il n'était pas fait encore. Il était plutôt sur le seuil de la chute. Il était dans la désespérance. Et donc, ça résonne bien avec le... Avec le jeune homme de 30 ans que vous bien étiez sûr, à l'époque. Bien sûr, c'est qu'il était, en train de défaillir. Et ça faisait 20 ans qu'il ramait. Et Roulette russe était sa dernière carte. Et Roulette russe a commencé par être un succès décime, c'est-à-dire un échec. Donc c'était fini. C'était fini avec Roulette russe. Et il y a un accent là-dedans qui est très désespéré et finalement assez journal lui aussi. Quand on écoute « Je fume pour oublier que tu bois » ou « Bijoux, bijoux » tel qu'on là, qui vient de passer, ouais. On entend ça. C'est du journal en fait. C'est un peu du journal. Et donc là-dessus... Alors que tout était fini, il y a eu une séance, je crois une heure, un peu de... C'était pris de camaraderie. Ils pouvaient enregistrer pendant encore un ou deux morceaux, un single. C'est là qu'est venu Gabi, qui a tout changé, qui a fait de Bachung le Bachung triomphant, le champion qu'il est devenu. Mais Roulette russe, c'est exactement dans les eaux. Il y avait peut-être cette parenté-là, mais ça s'arrête là. Et c'est un des seuls, parce qu'effectivement, j'étais très fusionnel avec... Avec Bachung, oui. Le reste, ça aurait été... Il y a beaucoup d'histoires de femmes dans ce journal, d'un jeune homme perdu, mais pourtant le seul baiser qui marque, c'est le baiser avec Bachung, Bayon. Oui, c'est vrai. Il était très charnel, très... C'était le chéri des filles, et puis il était très sensuel, oui. Il dégageait la sensualité, Bachung. Quelqu'un que j'aimais beaucoup. Hier, je me suis retrouvé, ça ne m'arrive que comme ça, je me suis retrouvé à pleurnicher en écoutant Osée Joséphine, repris par tel que Christine de Queens l'ont refait presque a cappella comme ça. Et quand j'entends ça, je me dis, mais c'est dingue, il est mort, alors que ça me concerne pas. Autrement, la mort des uns des autres, c'est la vie. On peut pas le plaindre. Il a une vie accomplie, mais comme ça, d'un coup, Osée Joséphine qui revient, ça me coupait un peu le souffle. Et j'avais eu la même expérience avec Raphaël quand il avait repris un jour à l'Olympia où j'avais vu Bachung chanter Osée Joséphine la première fois. Raphaël reprenant Osée Joséphine, ça me bouleversait, c'était... Est-ce que vos goûts littéraires ont changé, Bayon, hein? Parce que, à l'époque, vous faisiez carrément des post-faces pour des grands dandys de la belle époque. Jean Lorrain, Robert de Montesquieu. Est-ce que vous les lisez toujours? Est-ce que tous ces goûts que vous aviez à l'époque, vous les avez conservés? Je les conserve comme des copains. Mais, oui, d'ailleurs, si, on pourrait dire, je raffine, parce que dans ces noms que vous évoquez, il y a la dimension du pamé. C'est à l'époque où je dirigeais une collection qui s'appelait Les Pamés, donc c'était des extravagants, Montesquieu, c'est à la limite de lisible, Montesquieu, c'est tellement affêté, Jean Lorrain, qui est beaucoup plus un écrivain. Alors j'en garderai le gâchis. Décadent. Mais j'en garderai le gâchis. J'aime bien ça, l'idée qu'il a foutu en l'air, qui saccageait. Moi j'aime bien citer ces deux auteurs pour expliquer le style que vous avez eu pendant 30 ans dans le Nouvel. Mais ce que je lirais, quand je dis que je raffine ouais. Ça, c'est que par exemple, je suis épris de quelqu'un qui s'appelle Kaeserling, qui est un écrivain de Courland, du royaume de Courland, et qui est le à côté. Quand je le lisais, quand je découvrais cet écrivain teutonique, on pourrait dire, c'est la grande aristocratie, quand je le lisais, je me disais que, en regard, Proust serait presque arrangé du côté des palefreniers, donc... Tout va bien. Et pour les auteurs contemporains, il aime Mélisse de Kerangal, comme nous, Bayon. Ça fait plaisir de voir cette dédicace à la fin de Roulette russe. On passe au questionnaire d'un autre jour. Bayon, et vos souvenirs des années 80, vous souvenez-vous de votre réaction quand un certain mai 1981, Mitterrand était élu? Le livre en rend compte d'une façon très très singulière, puisque... passons. Donc, oui, je me rappelle la liesse, populaire, le... Et votre état d'âme, à vous? Mon état d'âme, il était plutôt tel qu'il est transcrit dans le journal, enfin le livre qui paraît, il est très très cynique, très très on dirait bullshit. C'est de la pose en même temps, parce que je me rappelle une construction mentale autour de Mitterrand dont j'aimais quand même le côté florentin, l'aspect sphinx pharaonique. J'avais une construction, disais-je, c'était la cathédrale du socialisme. Je me rappelle que je voulais exposer à un moment donné à Mitterrand, je lui disais, voilà, faut que vous bâtissiez une cathédrale, et ça serait la cathédrale de l'avenir, ça serait une nacelle spatiale, et les saints seraient des astronautes, voilà. C'était une sorte de vision Star Wars avant l'époque, et donc c'était pas uniquement cynique et nihiliste ma vision de Mitterrand. Non, il y avait un certain pli. Par ailleurs, c'est bon, politiquement, idéologiquement, je pense qu'il y a tout à redire, mais c'était une figure, oui, une figure du maintien, de la tenue. Vous souvenez-vous des premières apparitions d'Erita Mitsuko? Oui. Ah oui, un choc. Enfin, pas les premières, parce que ça serait... Non, je me rappelle certains articles où j'étais pas encore en connexion brutale avec eux, mais les premiers concerts, oui. Et puis mes contacts avec eux, je les ai vus plusieurs fois avec Fred. Je me rappelle quelque chose de très fort. Fred Chichin en train de dire à Catherine Ringer, mais c'est très bien ce que tu fais, mais est-ce que tu sais ce que t'es toi-même, à force d'imiter, de chanter comme... Piaf, de chanter comme Dalida, de chanter. T'es qui toi, au fond. Et c'était, je me rappelle que c'était très fort ça, mais j'adorais. Ah oui, De No Comprendo, c'est un classique, c'est exemplaire dans le rock français. Après et avant, c'est pas tout à fait pareil. C'est surtout, c'est De No Comprendo. Avant aussi, La Jalousie, c'était beau. J'adorais. Ah oui, c'était une véritable. Un coup de foudre. Et puis enfin, Bayon, vous souvenez-vous souvent de votre enfance en Afrique? Pas si souvent, ça m'imprègne. C'est que je suis fait de ça. Ça c'est sans doute le fond de mon étrangeté. Le fait que, quand vous me posez la question, par exemple, par rapport à Libération, qu'est-ce que ça change? J'ai l'impression, par exemple, ce qui est lié à l'Afrique, je ne sais pas comment, il me faudrait plus de temps pour vous l'expliquer, l'analyser, mais j'ai par moments l'impression de ne jamais avoir été vraiment à Libération. D'y avoir, pourtant j'y ai œuvré, j'ai travaillé, j'ai pas été un mauvais employé, je pense pas que j'ai été d'un mauvais rapport pour l'entreprise, mais c'est comme si j'avais toujours été ailleurs. Alors cet ailleurs, c'est sans doute beaucoup la brousse de ma naissance, le monde africain, la nudité du fin fond de la Côte d'Ivoire, ou du fin fond du Togo ou du Gabon. J'étais un de mes seuls emplois en dehors de la Libération, ça a été inspecteur de parcelles dans la forêt gabonaise. Ah ouais? Donc c'est très très très loin du journalisme et de Libération. Merci d'être passé ce matin, Bayon. Je vous laisse faire le générique de fin de l'émission. Et je rappelle que c'est chez Pauvert qu'est sorti Roulette russe, journal d'un jeune homme perdu. C'était un autre jour et possible. Le réveil culturel à retrouver sur franceculture.fr. Cette émission de Toufik Hakem a été préparée avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet et réalisée par Thomas Duterre, avec ce matin à la technique Eric Boisset. Merci Bayon, merci tout le monde. On se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée au Grand Paris, du Grand Paris depuis le début du XXe siècle, comment on a imaginé le Grand Paris, c'est avec Pauline Rossi. Et en deuxième partie, comme tous les vendredis, la bande dessinée. Et demain, je reçois Martin Véron. Bonne matinée. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre? On m'appelle Garance. Garance, oh, c'est joli. C'est le nom d'une fleur. D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors? Alors, au revoir, Frédéric. Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laisser tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard? Oh, Paris est grand, vous savez. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.